L'entreprise Usinage HB Numérique connaît une croissance intéressante, située au 210 rue Beauchamp à Doulbeau-Mistassini. Les propriétaires, M. Hermel Bugeau, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 300 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et qui permettra de satisfaire davantage sa clientèle. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'usinage numérique HB au numéro de téléphone 418-239-0827. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Exigène souhaite joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Exigène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Exigène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Doulbeau-Mistassini, 418-276-0580. Ho, ho, ho! Ce n'est pas le Père Noël, mais bien Nicolas Martel, le maire des biens. Au nom du Conseil de Ville des biens, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et une année 2020 remplie de bonheur et de moments inoubliables. Et pour vos moments extrêmes, pensez Ville des biens. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, passez de belles fêtes. Oh, belles fêtes en famille, à Montréal une partie, l'autre partie au Saguenay. Donc, on est prêt à repartir sur une nouvelle saison, une nouvelle année. Je vais te souhaiter une bonne année en passant, je te l'ai dit la semaine passée. Puis beaucoup de santé encore une fois. C'était important. Quand on vient à un certain âge, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la santé. Après ça, on peut faire bien des choses. Phil, ça a bougé depuis hier soir chez le Canadien. Deux transactions plus une signature. La signature d'Igor Kovalchuk, comment tu vois ça? Le gars a 36 ans. Écoute, faut pas. C'est un contrat à deux volets. Comment tu trouves ça? C'est sûr que moi, je pense que c'est un nom qu'on a acquis. Là. C'est plus le Kovalchuk qu'on a connu. Puis les Kings l'ont libéré. Fait que faut pas ça, les Kings, c'est pas une grande puissance non plus. Là. Ben, moi, je pense que la blessure, la commotion à Gallagher a fait changer, je pense, la direction que voulait prendre actuellement Marc Bergevin. Je pense que Marc Bergevin vit les séries éliminatoires, les Canadiens vivent les séries éliminatoires, sans Gallagher qui vient d'avoir une commotion. Une commotion, on parle minimum de 2 à 3 semaines. Là. C'est pas compliqué, c'est minimum ça. Donc, moi, je pense que ça, c'est un placeur qu'on vient de signer là pour dire est-ce qu'il peut nous aider sur l'attaque à 5, est-ce qu'il peut remplacer. Kovalchuk est quand même un gars qui a connu une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey. Depuis quelques années, il a beaucoup ralenti. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense pas que le Canadien ait actuellement dans ses filiales ou dans son entourage un joueur qui peut marquer des buts ou qui a de l'expérience dans la Ligue nationale sans coûter un choix. Là, il coûte rien au Canadien de Montréal. En réalité, il coûte de l'argent, 750 000. C'est pas ce que le Canadien... ça les dérange bien. Mais s'il avait fallu obtenir un joueur ailleurs pour donner un jeune joueur de l'organisation ou un choix de repêchage, je pense qu'à ce moment-là, Marc Bergevin n'aurait probablement pas posé ce geste-là. Mais là, Kovalchuk, écoute, c'est un coup qui tente. Est-ce que ça peut réussir? Peut-être. S'il réussit, il va passer pour un gars qui a pris la bonne décision. Sinon, ils vont vous dire, ben écoute, il a coûté 700 000, il n'a rien coûté à l'organisation du Canadien, puis il a tenté sa chance. Donc, moi, personnellement, je pense que Kovalchuk, c'est un coup en essayant de dire, écoute, c'est pile ou face, puis si ça tombe sur le bon côté, puis il fait un job, ben, tant mieux. Sinon, ben, il n'aura pas coûté très cher aux Canadiens. Dans le cas de Scandella, c'est différent. Scandella, on voulait enfin un défenseur gaucher. Il a de l'expérience de la Ligue nationale quand même de nombreuses années. C'est un défenseur avec un gabarit quand même imposant. Et puis, le Canadien se devait absolument de bouger au niveau de sa défensive. C'est très clair. Il fallait un peu tenter d'améliorer cette équipe-là. Je dis pas que Scandella va faire que le Canadien va faire les séries, oui ou non. C'est mieux, mais... c'est mieux que Brent Kulak. Bon, oui, oui, c'est mieux que ben des joueurs qui jouent à défense du Canadien de Montréal. Ouais. C'est quand même un gars d'expérience. C'est un gars qui a du vécu dans la Ligue nationale. Il sent bien là. Il n'y a pas la pression de dire, moi là, je vais prouver à tout le monde que je peux le faire. Deuxièmement, écoute, c'est un gars qui a un contrat jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que le Canadien pourra le remettre du contrat l'an prochain? Tout dépend de son rendement. Ouais. Puis, c'est un Montréalais, c'est un gars de la place. Donc, moi, je pense que Bergevin, là-dedans, Riley, il a perdu Riley. Ben non, mais Mike Riley, écoute bien, parce que quelque part, il s'est jamais développé. Hein. Ça, c'est un guess que Marc Bergevin a pris. Peut-être qu'ailleurs, il va le faire, mais chez le Canadien de Montréal, ça ne cadrerait pas. Donc, tant mieux pour lui. À Ottawa, on avait besoin probablement d'un défenseur qui avait une certaine expérience ou... Ottawa est dans une situation en disant tout le monde sait qu'Ottawa ne fera pas les séries de 9 fois puis ils sont bien plus en reconstruction que d'autres. En ce moment-là, prendre une chance avec Riley, ce n'est pas nécessairement. Le Canadien est toujours condamné à vouloir faire les séries éliminatoires. Et là, je pense qu'il était quand même d'une pas une mauvaise situation il y a quelques jours. 8 défaites d'affilée, après on va dans l'Ouest, on connaît un bon début de voyage, malheureusement une fin de voyage catastrophique. Là, ben écoutez, on se bataille avec plusieurs formations, mais écoutez, je regardais Tom Pabé hier. Ils m'ont pas impressionné, Tom Pabé, hier. Là. Ah non. Canadien méritait un bien meilleur sort hier que le résultat le montrait à la fin du match 2-1. Là. Donc, à ce moment-là, Bergevin se dit, il m'a pas coûté cher. C'est un gars qui, à la fin de la saison, ne fait pas le travail. Il n'hypothèquera pas l'avenir du Canadien au niveau de la masse salariale. Il a quand même un contrat de 4,4 ou 5 millions. Donc, non. Moi, personnellement, je pense que les deux gestes que Bergevin a posés, c'est pas nécessairement des gestes d'éclat, mais c'est des gestes qui font qu'il y a besoin un petit peu de renfort. Puis deux, ça change le mal de place, ça élimine dans l'entourage du Canadien de parler des 4 défaites. Là, il arrive des nouveaux joueurs, les médias sont tous là-dessus, donc on verra ce que ça va donner comme résultat. C'est-tu pour détourner un petit peu l'attention? Ah oui, moi je pense que oui. Ça détourne l'attention, il n'y a aucun doute là-dessus. Kovalchuk, là, il va attirer l'attention. Ah ouais, c'est un gros nom dans la Ligue nationale. Scandella, c'est un francophone, il arrive à Montréal. Qu'est-ce que tu penses que les médias francophones vont faire? Ils vont tous se garocher dessus, là. Ouais. Donc, moi, je pense que, personnellement, la perte de Gallagher va faire mal aux Canadiens, là. Oh, ouais, c'est... Gallagher, c'est le leader de cette formation-là. Il marque des buts réguliers. C'est l'avantage numérique. Il est un joueur important. Donc, à ce moment-là, je regardais l'attaque du Canadien hier en attaque à 5, là. Tu sais, il m'a dit que c'est un jeune de 20 ans qui est le meilleur à peu près attaquant qui s'appelle Suzuki. Ouais. Tu sais? Donc, c'est un peu problématique. Et là, je regarde un petit peu. Hudon connaît du succès dans la Ligue américaine. Il est rendu actuellement le 9e ou 10e meilleur pointeur de la Ligue américaine. On le rappelle même pas. Phil, donc, dans le cas de Charles Hudon, je suis en train de lire la biographie de Steve Bégin, OK? Oui. Puis Steve Bégin, il disait que Guy Carbonneau l'avait laissé sur le banc, puis ainsi de suite. Puis si tu te rappelles de cet épisode-là. Oui. Puis il disait que, écoute, il dit, je jouais nerveusement, j'avais peur de faire des erreurs. De toute façon, même si je connaissais un bon match, ça allait rien changer. Ça veut dire que quand tu n'as pas la confiance du coach, là. Et Charles Hudon, là, il jouait peut-être avec Hudon, Hudon puis Claude Julien, là. Ouais. C'est sûr que la confiance n'est pas là, d'un côté comme de l'autre. Là. Mm. Donc, c'est clair. La preuve de ça, c'est que Joël Bouchard fait jouer Hudon. Ça me dit, c'est dans la Ligue américaine. Mais il fait jouer régulier, il marque des buts. Pourquoi il ne marquerait pas de buts dans la Ligue nationale? Je regardais l'autre soir. Deux lancers dans le haut du filet, des lancers de la Ligue nationale. Pourquoi il ne fait pas ça dans la Ligue nationale? Parce que son coach, là, il ne fait pas jouer dans ces situations-là. Deux, il envoie sa glace 7 à 8 minutes par match. Quand tu embarques, tout ce que tu espères, c'est pas de marquer un but. C'est de l'empêcher un contre toi. Mm. Alors que dans la Ligue américaine, il est là pour marquer des buts et non empêcher l'équipe de marquer contre lui. C'est totalement différent de la mentalité et l'approche que le jeune joueur a. Ouais. Donc, ça change toute la donne. Donc, dans le cas d'Hudon, c'est très clair que chez le Canadien de Montréal, la confiance n'est plus là d'un côté comme de l'autre. Mais c'est tellement important la confiance de l'entraîneur. Là, puis, regarde, est-ce que Charles Hudon pourrait faire un Jonathan Marchessault? Peut-être. Écoutez, ça dépend toujours. Tu t'envoies une place, on te met dans une situation, puis on te donne la chance de prouver des choses. Peut-être qu'il peut le faire. Okay. Est-ce que Hudon est condamné à dire qu'il va aller terminer sa carrière en Europe? Moi, je pense que oui, à cause de son physique. à cause de sa rapidité sur glace, les grandes patinoires. Il évoluait au centre Vézina ici, on s'en rappelle très bien. C'est un habile fabricant de jeu, c'est un gars qui est habile avec la rondelle, mais ça y prend de l'espace. Mm. En ligne nationale, les patinoires réglementaires, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est pas un joueur très physique, pas un joueur costaud non plus, là. C'est pas un 6 pieds 2 puis 195 livres, là. C'est pas ça, lui, donc. Donc, à ce moment-là, pour lui, c'est plus difficile. Mais, écoutez, moi, je pense que son séjour avec le Canadien va se terminer à la fin de l'année avec son contrat. Puis, l'an prochain, ben, on verra si une équipe de la Ligue nationale est prête à lui donner quelque chose. Ou Bergevin le garde avec lui pour une raison. Est-ce que il va le mettre sa liste de joueurs disponibles pour l'équipe d'expansion l'an prochain et cette équipe-là pourra prendre une chance de le repêcher? Peut-être qu'à ce moment-là, ça pourra faire aussi. Là. Phil, tu me permets, on va faire une pause. Je veux te parler de l'avenir de Marc Bergevin. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Phil Desgagnés sur les ondes de danadosport.com. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. Ici Pierre-Luc Martin de la Ligue JMS. Au nom du conseil d'administration de la Ligue JMS, j'aimerais souhaiter joyeux Noël et bonne année aux joueurs, parents, entraîneurs et tous les bénévoles de la Ligue. Nous vous remercions de l'intérêt et du temps que vous mettez pour les activités de la Ligue. Joyeuses fêtes et soyez prudents pendant cette période de festivités. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2020, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. À toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, joyeux Noël et bonne année! Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Pour un autre sujet, là, tout évident, ça va être extrêmement difficile pour le Canadien de faire les séries. Je lisais sur les médias sociaux quelque chose que le Canadien, c'est l'équipe des équipes canadiennes qui a fait le moins les séries éliminatoires dans la décennie. C'est quand même quelque chose. Puis le Canadien, c'est les Yankees de New York. C'est ça. Là. Donc, est-ce que Marc Bergevin, si le Canadien ne fait pas les séries, est-ce que Marc Bergevin, je ne peux pas le ramener l'année prochaine? Moi, je pense pas qu'il va le congédier. Ouais. Moi, je pense que Jeff Molson, là, je disais à quelqu'un, Jeff Molson, là, il y a une chose que les gens doivent savoir. C'est pas un propriétaire multimilliardaire qui a un but dans la tête, comme Jimmy Jones, exemple, à Dallas. Ouais. Lui, c'est de gagner le Super Bowl. Lui, c'est une business. Il représente la brasserie Molson. Mm. Et la famille Molson. Lui, c'est de la business. Quand tu regardes la business, le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui fait de l'argent. Mm. Les droits de TV, les radios, la radiophonie, la publicité, le marketing, le Centre Bell est presque plein à chaque rencontre. Moi, je pense que c'est là qu'on regarde qu'est-ce que la rentabilité du club. Est-ce que Bergevin fait un bon travail de ce côté-là? La masse salariale, c'est l'une des trois ou quatre plus basses de toute la Ligue nationale. Oui, c'est pas normal, ça. Hein? C'est pas normal. Exact. C'est que tout le monde s'attendrait à une équipe riche comme ça, soit parmi les plus grandes équipes. Mm. Mais, tu sais, comme moi, aujourd'hui, dans la Ligue nationale, c'est pas nécessairement l'équipe qui a la plus haute masse salariale qui va gagner, là. On a vu que les Blues de Saint-Louis l'année passée qui ont gagné. Tu sais, on a vu Tampa Bay il y a quelques années. Donc, à ce moment-là, les équipes qui regardent, eux autres, ils regardent qu'est-ce que c'est la rentabilité. Et moi, je pense que Jeff Molson, c'est une question de rentabilité, le Canadien de Montréal. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Le Canadien, ça demeure une équipe actuellement qui est parmi les 7 à 8 équipes de bas de classement. Ils sont là depuis une couple d'années. Puis, ils remplissent le Centre Bell. C'est peut-être ça le problème aussi. Marc, c'est de plus en plus difficile, là, Marc Bien, là, de remplir le Centre Bell. Il y a des biens qui... n'oubliez pas que juste en droit de TV, le Canadien reçoit 80-90 millions par an. C'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Juste en droit de TV, trouvez-moi les équipes dans la Ligue nationale qui ont ça. Je regardais cette année, les équipes les plus riches de toute la Ligue nationale, c'est encore qui, tu penses? Les Canadiens de Montréal sont parmi les 4-5 les équipes les plus riches. Donc, à ce moment-là, c'est parce que l'équipe est rentable, l'équipe fait de l'argent, puis l'équipe, est, au niveau marketing avec le Centre Bell, puis deux, Centre Bell, c'est Evenco, là. Regardez tout l'ensemble, les spectacles et tout, là. C'est une grosse organisation avec le Canadien de Montréal, Evenco, les bâtisses. Il y a des condos tout le tour du Centre Bell qui appartiennent également à la famille Molson. Tu sais, il y a tout un... Mais un environnement qui fait que... 4 fois en 5 ans. Et je pense qu'on est là. 4 fois en 5 ans que tu fais pas les séries. Tu sais, à un moment donné... Détroit, depuis une couple d'années, c'est quoi? Toronto, ça a été quoi depuis une couple d'années? C'est sûr. Calgary... Que c'est l'équipe quand même de la décennie, comme je te disais, Phil, l'équipe canadienne de la décennie qui a moins fait les séries. Ouais, mais je regarde Edmonton. C'est sûr qu'Edmonton, avec le taux de choix de première ronde, il aurait dû faire les séries plus, mais quand même. Mais quand tu regardes ça, c'est pour ça que je me dis que c'est une business. À Calgary, c'est rentable. À Toronto, c'est rentable. Toutes les équipes canadiennes, à Winnipeg, c'est rentable. À Vancouver, c'est rentable. Tu sais, les équipes qui sont moins rentables, ils essaient de gagner, eux autres, parce qu'ils savent que ça va vendre plus, ça va rapporter plus. Mais moi, personnellement, c'est sûr qu'ici, au Québec, c'est une religion, le Canadien de Montréal, là. Tu sais, ils ont 8, 9, 10 parcs tous les jours, on en parle des heures de temps à la radio, des heures de temps à la télévision. C'est une histoire à chaque jour, chez le Canadien de Montréal, qu'on peut inventer, là. Mais c'est pas le cas de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, là. Ouais. Phil, merci beaucoup, on s'en reparle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Descartes.